sa femme le priait un matin d'aller prendre quelques pommes de terre dans un petit jardin qu'il cultivait près de la maison. Immobile et plein de ses tristes idées, il paraissait ne faire aucune attention à cette demande. Enfin, revenant tout à coup à lui, « Allons, dit-il, comme pour s'encourager. Aide-toi, je t'aiderai. » En achevant ces mots, il prit une bêche et se rendit au jardin. Praskovi le suivit. « Sans doute, mon père, il faut s'aider dans le malheur, et j'espère aussi que Dieu m'aidera dans la prière que je viens de vous faire, et qu'il touchera votre cœur. Rendez-moi le passeport, cher et malheureux père, croyez que c'est la volonté de Dieu. Voulez-vous forcer votre fille à l'horrible malheur de vous désobéir ?» En parlant ainsi, Praskovi embrassait ses genoux et tâchait de lui inspirer la même confiance qui l'animait. La mère survint. Sa fille la conjura de l'aider à fléchir son père. La bonne femme ne put s'y résoudre. Elle avait eu la force de consentir au départ, mais elle n'avait point le courage de le demander. Cependant, Lopoulov ne put résister plus longtemps à de si touchantes sollicitations. Il savait d'ailleurs sa fille si décidée, qu'il craignait de la voir partir sans passeport. « Que faire avec cet enfant ? S'écria-t-il. Il faudra bien la laisser partir. » Praskovi, transporté de joie, s'élança au cou de son père. « Soyez sûr, lui disait-elle en l'accablant des plus tendres caresses, que vous ne vous repentirez point de m'avoir écouté. J'irai, mon père, oui, j'irai à Saint-Pétersbourg. Je me jetterai aux pieds de l'empereur. Et cette même providence qui m'en inspira la pensée et qui a touché votre cœur voudra bien aussi disposer de celui de d'autres grands monarques en notre faveur. » Hélas, lui répondit son père en versant des larmes, crois-tu, pauvre enfant, que l'on puisse parler à l'empereur comme tu parles à ton père en Sibérie? Des sentinelles gardent de toutes parts les avenues de son palais, et tu ne pourras jamais en passer le seuil. Pauvre et mendiante, sans habit, sans recommandation, comment oseras-tu paraître, et qui daignera te présenter? Praskovi sentait la force de ses observations sans en être découragé. Un pressentiment secret l'emportait sur tous les raisonnements. « Je conçois les craintes que vous inspire votre tendresse pour moi, » répondit-elle. « Mais que de motifs n'ai-je pas d'espérer ? Réfléchissez de grâce. Voyez de combien de faveurs inespérées Dieu m'a déjà comblé, parce que j'avais mis toute ma confiance en lui. Je ne savais comment avoir un passeport. Il a forcé la bouche de l'incrédule à m'indiquer les moyens de l'obtenir. C'est lui qui a fléchi l'inexorable gouverneur de Tobolsk. Enfin, malgré votre invincible répugnance, ne vous a-t-il pas forcé vous-même à m'accorder la permission de partir? Soyez donc certain, ajouta-t-elle, que cette providence, qui m'a fait surmonter tant d'obstacles et qui m'a si visiblement protégé jusqu'ici, saura me conduire aux pieds de notre empereur. Elle mettra dans ma bouche les paroles qui doivent le persuader, et votre liberté sera la récompense du consentement que vous m'accordez. Dès cet instant, le départ de la jeune fille fut décidé. Mais on n'en détermina point encore l'époque précise. Lopoulov espérait tirer quelques secours de ses amis. Plusieurs prisonniers avaient des moyens. Quelques-uns même lui avaient fait, en d'autres occasions, des aides que sa discrétion ne lui avait pas permis d'accepter. Mais en cette occasion, il se proposait d'en profiter. Il désirait aussi trouver quelques voyageurs qui pût accompagner sa fille pendant les premières marches. Il fut trompé dans cette double attente. Cependant, Praskovi pressait son départ. Toute sa fortune consistait dans un rouble en argent, valeur d'environ 4 francs. Après avoir vainement tenté d'augmenter cette modique somme, on fixa le jour de la cruelle séparation, d'après le désir de la voyageuse, au 8 septembre, jour de la nativité de la très sainte Vierge. Aussitôt que la nouvelle s'en répandit dans le village, toutes leurs connaissances vinrent la voir, poussées par la curiosité plutôt que par un véritable intérêt. Au lieu de l'aider ou de l'encourager dans son entreprise, on désapprouva généralement son père de lui avoir accordé la permission de partir. Ceux qui auraient pu lui donner quelques secours parlèrent des circonstances malheureuses qui empêchent souvent les meilleurs amis de se rendre service aux besoins. Et au lieu de l'assistance et des consolations que la famille attendait, ils ne lui laissèrent en la quittant que de sinistres présages. Cependant, deux des plus pauvres et des plus obscurs prisonniers prirent la défense de Praskovi. Ils l'encouragèrent par leurs conseils. « On a vu, disait-il, des choses de plus difficiles à réussir contre toute espérance. Sans parvenir elle-même jusqu'au souverain, elle trouvera des protecteurs qui parleront pour elle lorsqu'on la connaîtra et qu'on l'amènera comme nous. » Le 8 septembre, à l'aube du jour, ces deux hommes revinrent pour prendre congé d'elle et pour assister à son départ. Ils la trouvèrent déjà toute disposée pour le grand voyage et chargée d'un sac qu'elle avait préparé depuis longtemps. Son père lui remit le rouble qu'il lui destinait, mais qu'elle ne voulait point accepter. Elle représentait que cette petite somme ne pouvait pas la conduire jusqu'à Saint-Pétersbourg, tandis qu'elle pouvait leur devenir nécessaire. Un ordre absolu de son père put seul la lui faire accepter. Les deux pauvres exilés voulurent aussi contribuer au petit fonds qu'elle emportait pour le voyage. L'un offrit 30 copecks en cuivre et l'autre une pièce de 20 copecks en argent. C'était leur subsistance de plusieurs jours. Praskovi refusa leur offre généreuse, mais elle en fut vivement touchée. « Si la Providence, leur dit-elle, accorde jamais quelque faveur à mes parents, j'espère que vous en aurez une part. » Dans ce moment, les premiers rayons du soleil levant parurent dans la chambre. « L'heure est venue, dit-elle, il faut nous séparer. » Elle s'assit, ainsi que ses parents, et les deux amis, comme il est d'usage en Russie, en pareille circonstance. Lorsqu'un ami part pour un voyage de long cours, au moment de faire les derniers adieux, le voyageur s'assied. Toutes les personnes présentes doivent l'imiter. Après une minute de repos, pendant laquelle on parle du temps et de choses indifférentes, on se lève, et les pleurs et les embrassements commencent. Cette cérémonie, qui au premier coup d'œil paraît insignifiante, a cependant quelque chose d'intéressant. Avant de se séparer pour longtemps, peut-être pour toujours, on se repose encore quelques moments ensemble, comme si l'on voulait tromper la destinée, et lui dérober cette courte jouissance. Praskovi reçut à genoux la bénédiction de ses parents, et s'arrachant courageusement de leurs bras, quitta pour toujours la chaumière qui lui avait servi de prison depuis son enfance. Les deux exilés l'accompagnèrent pendant la première verste. Le père et la mère, immobiles sur le seuil de la porte, la suivirent longtemps des yeux, voulant lui donner de loin un dernier adieu. Mais la jeune fille ne regarda plus en arrière, et disparut bientôt dans l'éloignement. Lopoulov et sa femme rentrèrent alors dans leur triste demeure, qui désormais allait leur paraître bien déserte. Les malheureux vécurent encore plus isolés qu'auparavant. Les autres habitants d'Ichim accusaient le père d'avoir lui-même poussé sa fille à cette imprudente entreprise, et le tournaient en ridicule à ce sujet. On se moquait surtout des deux prisonniers, qui, dans leur simplicité, n'avaient pas caché la promesse que Praskovi leur avait faite de s'intéresser à eux, et on les félicitait d'avance sur leur bonne fortune. Laissons maintenant cette région de peine et suivons notre intéressante voyageuse. Lorsque les deux amis qui l'avaient accompagnée la quittèrent, elle avait trouvé plusieurs jeunes filles qui faisaient la même route qu'elle jusqu'au village voisin, éloigné d'Ichim d'environ 25 verstes. Chemin faisant, elles furent accostées par une bande de paysans dont quelques-uns étaient à moitié ivres. Ils descendirent de cheval sous prétexte de les accompagner. C'était à l'entrée d'un grand bois. Les voyageuses alarmées ne voulurent point s'y acheminer avec eux. Elles avaient quelques provisions et s'assirent au bord du chemin pour se restaurer, en priant les bandits de continuer leur route. Mais ils s'assirent avec elles, en déclarant vouloir partager leur déjeuner et les accompagner ensuite jusqu'au village. Dans cette perplexité, Praskovi, pour éloigner ses importuns, crut pouvoir employer une petite ruse qui lui réussit. « Nous irions volontiers avec vous, leur dit-elle, mais nous devons attendre ici mes frères, qui nous amènent des chariots pour nous transporter. » Les jeunes gens virent en effet dans l'éloignement deux chariots que Praskovi avait aperçus avant eux. Bientôt après, ils remontèrent à cheval et disparurent. « C'était un petit mensonge, disait-elle en racontant sa première aventure. Il ne m'a pas porté malheur. » Elle parvint heureusement au village où elle devait s'arrêter et logea chez un paysan de sa connaissance qui la traita fort bien. Le lendemain, à son réveil, la fatigue de la première marche qu'elle eût jamais faite se faisait vivement sentir. En sortant de l'isba où elle avait passé la nuit, elle eut un moment d'effroi lorsqu'elle se vit toute seule. L'histoire d'Agar dans le désert lui revint à la mémoire et lui rendit son courage. Elle fit le signe de la croix et s'achemina en se recommandant à son ange gardien. Après avoir dépassé quelques maisons, elle aperçut l'enseigne de l'aigle sur le cabaret du village devant lequel elle avait passé la veille, ce qui lui fit juger qu'au lieu d'avoir pris le chemin de Pétersbourg, elle revenait sur ses pas. Elle s'arrêta pour s'orienter et vit son hôte qui souriait sur le pas de sa porte. « Si vous voyagez de cette manière, s'écria-t-il, vous n'irez pas loin, et vous feriez peut-être mieux de retourner chez vous. » Cet accident lui arriva quelquefois dans la suite, et lorsque dans son indécision elle demandait le chemin de Pétersbourg, à l'extrême distance où elle se trouvait de cette ville, on se moquait d'elle, ce qui la jetait dans un grand embarras. Praskovi, n'ayant aucune idée de la géographie du pays qu'elle avait à parcourir, s'était imaginé que la ville de Kiev, fameuse dans la religion du pays, et dont sa mère lui avait souvent parlé, se trouvait sur le chemin de Pétersbourg. Elle avait le projet d'y faire ses dévotions en passant, et se promettait d'y prendre un jour le voile si son entreprise réussissait. Dans la fausse idée qu'elle s'était formée de la situation de cette ville, voyant qu'on souriait, lorsqu'elle demandait le chemin de Pétersbourg, elle demandait aux passants celui de Kiev, ce qui lui réussissait plus mal encore. Une fois, entre autres, se trouvant indécise sur le choix de plusieurs chemins qui se croisaient, elle attendit un kibik, qui s'approchait et pria les voyageurs de lui indiquer celui de ces chemins qui conduisaient à Kiev. Ils crurent qu'elle plaisantait. « Prenez, lui dirent-ils en riant, celui que vous voudrez. Ils conduisent tous également à Kiev, à Paris et à Rome. » Elle prit celui du milieu, qui se trouva heureusement être le sien. Elle ne pouvait donner aucun détail exact sur la route qu'elle avait tenue, ni sur le nom des villages par lesquels elle avait passé, et qui se confondaient dans sa mémoire. Lorsqu'elle arrivait dans un hameau peu considérable, elle était ordinairement bien accueillie par les maîtres de la première maison où elle demandait l'hospitalité. Mais dans les gros villages, et lorsque les maisons avaient une bonne apparence, elle avait presque toujours de la peine à trouver un asile. On la prenait souvent pour une aventurière de mauvaise mœurs. Et ce soupçon si injuste lui donna de grands désagréments pendant son voyage. Quelques marches avant d'arriver à Kamotikchev, un violent orage la surprit en chemin. Comme elle achevait avec peine une des plus longues journées qu'elle eût encore faites, elle redoubla de vitesse pour atteindre la première habitation qu'elle ne croyait pas être fort éloignée. Mais un tourbillon de vent ayant renversé un arbre devant elle, la frayeur lui fit chercher un refuge dans un bois voisin. Elle se plaça sous un sapin entouré de hauts buissons pour se préserver de la violence du vent. La tempête dura toute la nuit. La jeune fille la passa sans abri dans ce lieu désert, exposée au torrent de la pluie qui ne cessa que vers le matin. Lorsque l'aube parut, elle se traîna jusqu'au chemin, exténée de froid et de faim, pour continuer sa route. Heureusement, un paysan qui passait eut pitié d'elle et lui offrit une place sur son chariot. Vers les 8 heures du matin, elle arriva dans un grand village. Le paysan, qui ne devait pas s'y arrêter, la déposa au milieu de la rue et continua sa route. Praskovi pressentait qu'elle serait mal reçue. Les maisons avaient une bonne apparence. Cependant, pressée par la fatigue, la faim, elle s'approcha de la fenêtre basse, auprès de laquelle une femme de 40 à 50 ans triait des pois, et la pria de la recevoir chez elle. La villageoise, après l'avoir examinée quelques instants d'un air de mépris, la renvoya durement. En descendant du chariot qui l'avait amenée, Praskovi était tombée dans la boue, et ses habits en étaient couverts. La cruelle nuit qu'elle venait de passer dans la forêt, ainsi que le manque de nourriture, avait sans doute aussi altéré ses traits, et lui donnait un aspect défavorable. La malheureuse fut rejetée de toutes les maisons où elle se présenta. Une méchante femme à la porte de laquelle, vaincue par la fatigue, elle s'était assise, et qu'elle conjurait de la recevoir, la força par des menaces de s'éloigner, en lui disant qu'elle ne recevait chez elle ni les voleurs ni les coureuses. La jeune fille, voyant une église devant elle, s'y achemina tristement. Du moins, se disait-elle, on ne m'en chassera pas. La porte s'en trouva fermée. Elle s'assit sur les marches qui y conduisaient. Des petits garçons qui l'avaient suivie et qui s'étaient attroupés autour d'elle lorsque la femme la maltraitait, continuèrent à l'insulter et à la traiter de voleuse. Elle demeura près de 2 heures dans cette situation pénible, se mourant de froid et d'inanition, priant Dieu de l'assister et de lui donner la force de supporter cette épreuve. Cependant, une femme s'approcha pour l'interroger. Praskovi raconta l'affreuse nuit qu'elle avait passée dans le bois. D'autres paysans s'arrêtèrent pour l'entendre. Le staroste du village examina son passeport et déclara qu'il était en règle. Alors la bonne femme, attendrie, lui offrit sa maison. Mais lorsque la voyageuse voulut se soulever, ses membres étaient tellement engourdis qu'on fut obligé de la soutenir. Elle avait perdu un de ses souliers, elle montra son pied nu et ses jambes enflées. Une pitié générale succéda bientôt aux indignes soupçons qui l'avaient fait maltraiter. On la plaça sur un chariot et les mêmes enfants qui l'avaient insultée quelques moments auparavant s'empressèrent de la traîner et la conduisirent ainsi chez la villageoise, qui la reçut avec beaucoup d'amitié et chez laquelle elle passa plusieurs jours. Pendant ce temps de repos, un paysan charitable lui fit une paire de bottines. Enfin, lorsqu'elle eut recouvré sa santé et ses forces, elle prit congé de la bonne femme et continua son voyage qu'elle poursuivit jusqu'à l'hiver, s'arrêtant plus ou moins dans différents villages selon que la fatigue l'y obligeait et d'après l'accueil qu'elle recevait des habitants. Elle tâchait, pendant le séjour qu'elle y faisait, de se rendre utile en balayant la maison, en lavant le linge ou en cousant pour ses hôtes. Elle ne contait son histoire que lorsqu'elle était déjà reçue et établie dans la maison. Elle avait remarqué que lorsqu'elle voulait se faire connaître au premier abord, on ne la croyait pas et qu'on la prenait pour une aventurière. En effet, les hommes sont généralement disposés à se roidir lorsqu'ils aperçoivent qu'on veut les gagner. Il faut les toucher sans qu'ils s'en doutent, et ils accordent plus volontiers leur pitié que leur estime. Praskovi commençait donc par demander un peu de pain, puis elle parlait de la fatigue dont elle était accablée, pour obtenir l'hospitalité. Enfin, lorsqu'elle était établie chez ses hôtes, elle disait son nom et racontait son histoire. C'est ainsi que, dans son pénible voyage, elle faisait peu à peu le cruel apprentissage du cœur humain. Souvent, des personnes qui l'avaient rejetée, la voyant s'éloigner en pleurant, la rappelaient et la traitaient fort bien. Les mendiants, accoutumés au refus, y paraissaient peu sensibles. Mais Praskovi, quoique placée par le sort dans une situation déplorable, n'avait point encore été avant son voyage dans le cas d'implorer la pitié. Et malgré toute sa force d'âme et sa résignation, elle était navrée des refus, surtout lorsqu'ils provenaient de la mauvaise opinion que l'on prenait d'elle. Le bon effet qu'avait produit dans la circonstance dont nous venons de parler l'exhibition de son passeport l'engagea dans la suite à le montrer lorsqu'elle désirait obtenir plus de faveur de ses hôtes. Elle y était qualifiée de fille de capitaine, ce qui lui fut utile en plusieurs occasions. Cependant, elle avouait que le malheur d'être repoussée lui était arrivé rarement, tandis que les traitements d'humanité et de bienveillance qu'elle avait éprouvés étaient innombrables. « On s'imagine, disait-elle dans la suite, que mon voyage a été bien désastreux, parce que je ne raconte que les peines et les embarras dans lesquels je me suis trouvé, que je ne dis rien des bons gîtes que j'ai rencontrés, et dont personne ne désire savoir l'histoire. » Parmi les situations pénibles de son voyage, il en est une dans laquelle la jeune fille crut sa vie menacée, et qui mérite d'être connue pour sa singularité. Elle marchait un soir le long des maisons d'un village pour chercher un logement, lorsqu'un paysan, qui venait de lui refuser très durement l'hospitalité, la suivit et la rappela. C'était un homme âgé, de très mauvaise mine. Praskovi hésita si elle accepterait son offre, et se laissa cependant conduire chez lui, craignant de ne pas trouver un autre gîte. Elle ne trouva dans l'isba qu'une femme âgée, et dont l'aspect était encore plus sinistre que celui de son conducteur. Ce dernier ferma soigneusement la porte et poussa les guichets des fenêtres. En la recevant dans leur maison, ces deux personnes lui firent peu d'accueil. Elles avaient un air si étrange que Praskovi éprouvait une certaine crainte et se repentait de s'être arrêtée chez elle. On la fit asseoir. L'isba n'était éclairée que par des esquilles de sapin enflammées plantées dans un trou de la muraille, et qu'on remplaçait souvent lorsqu'elles étaient consumées. À la clarté lugubre de cette flamme, lorsqu'elle se hasardait à lever les yeux, elle voyait ceux de ses hôtes fixés sur elle. Enfin, après quelques minutes de silence, « D'où venez-vous ? » lui demanda la vieille. « Je viens d'Ichim, et je vais à Pétersbourg. »« Oh, oh, vous avez donc beaucoup d'argent pour entreprendre un si grand voyage. »« Il ne me reste que 80 kopecks en cuivre, » répondit la voyageuse intimidée. « Tu mens !» s'écria la vieille. « Oui, tu mens !» On ne se met pas en route pour aller si loin avec si peu d'argent. » La jeune fille avait beau protester que c'était là tout son avoir, on ne la croyait pas. La femme ricanait avec son mari. « De Tobolsk à Pétersbourg avec 80 kopecks, disait-elle, c'est probable vraiment. » La malheureuse fille, outragée et tremblante, retenait ses larmes et priait Dieu tout bas de la secourir. On lui donna cependant quelques pommes de terre, et dès qu'elle les eut mangées, son hôtesse lui conseilla de s'aller coucher. Praskovi, qui commençait fortement à soupçonner ses hôtes d'être des voleurs, aurait volontiers donné le reste de son argent pour être délivrée de leurs mains. Elle se déshabilla en partie avant de monter sur le poêle où elle devait passer la nuit. En effet, les poêles russes sont très grands et les paysans n'ayant point de lit dans ce pays couchent tout habillés, soit sur les bancs qui règnent dans toute l'enceinte de leur cabane, soit sur le poêle, qui est la place la plus spacieuse et en même temps la plus chaude. Laissant en bas à leur portée ses poches et son sac, afin de leur donner la facilité de compter son argent et pour s'épargner la honte d'être fouillés. Dès qu'ils la crurent endormie, ils commencèrent leurs recherches. Praskovi écoutait avec anxiété leur conversation. « Elle a encore de l'argent sur elle, disait-il. Elle a sûrement des assignations. » « J'ai vu, ajouta la vieille, un cordon passé à son cou, auquel pend un petit sac. C'est là où est l'argent. » C'était un petit sac de toile cirée contenant son passeport qu'elle ne quittait jamais. Ils se mirent à parler plus bas, et les mots qu'elle entendait, de temps en temps, n'étaient pas faits pour la rassurer. « Personne ne l'a vu entrer chez nous, » disaient les misérables. « On ne se doute pas même qu'elle soit dans le village. » Ils parlèrent encore plus bas. Après quelques instants de silence et lorsque son imagination lui poignait les plus grands malheurs, la jeune fille vit tout à coup paraître auprès d'elle la tête de l'horrible vieille, qui grimpait sur le poêle. Tout son sang se glaça dans ses veines. Elle la conjura de lui laisser la vie, l'assurant de nouveau qu'elle n'avait point d'argent. Mais l'inexorable visiteuse, sans lui répondre, se mit à chercher dans ses habits, dans ses bottines, qu'elle lui fit ôter. L'homme apporta de la lumière, en examina le sac du passeport, on lui fit ouvrir les mains. Enfin, le vieux couple, voyant ses recherches inutiles, descendit et laissa notre voyageuse plus morte que vive. Cette scène effrayante, et plus encore la crainte de la voir se renouveler, la tinrent longtemps éveillée. Cependant, lorsqu'elle reconnut à leur respiration bruyante que ses hôtes s'étaient endormis, elle se tranquillisa peu à peu, et la fatigue l'emportant sur la frayeur, elle s'endormit elle-même profondément. Il était grand jour lorsque la vieille la réveilla. Elle descendit du poêle et fut étonnée de lui trouver ainsi qu'à son mari un air plus naturel et plus affable. Elle voulait partir. Il la retint pour lui donner à manger. La vieille en fit aussitôt les préparatifs avec beaucoup plus d'empressement que la veille. Elle prit la fourche et retira du poêle le pot au chi dont elle lui servait une bonne portion. Pendant ce temps, le mari soulevait une trappe du plancher sous lequel était le seau de kiavs, et on lui servit une pleine cruche. Un peu rassurée par ce bon traitement, elle répondit avec sincérité à leurs questions et raconta une partie de son histoire. Ils eurent l'air d'y prendre intérêt, et voulant justifier leur conduite précédente, ils l'assurèrent qu'ils n'avaient voulu savoir si elle avait de l'argent que parce qu'ils l'avaient mal à propos soupçonnée d'être une voleuse, mais qu'elle pourrait voir en comptant sa petite somme qu'ils étaient bien loin d'eux-mêmes d'être des voleurs. Enfin, Praskovi prit congé d'eux, ne sachant trop si elle leur devait des remerciements, mais se trouvant fort heureuse d'être hors de leur maison.